Jamais 203, je te fais pas dessin dans les deux sens. Une douleur, les yeux pétés à la couleur du sang. On fait simple, gratuit, je pourrais dire, je t'ai donné ça. C'est pas pareil, je te lâche pas des sons que tu connais déjà. Ça balle, ils veulent pas lâcher des places. Ils veulent fumer sur mon masque, s'asseoir à ma table. Ils sont passés des étapes, cassés des épaves. Man, j'assure et j'assure les bails tristes. Je m'imagine fumer un tas de sticks sur des plages. Miss, la chemise, un classique pour les braves. Vendant foire et pour les soirées, ouais, j'ai sorti la chemise. C'est du RAP, RDR que je pratique. Hey, ton shit, frère. MDR, c'est du plastique, eh hey, oh, eh hey, hein, je l'ai démoli, y'a pas mort d'homme. J'étais joli, je te laisse la fin de mon burger, hein. Il pleut des cordes, on reste à la zone, mais tu t'es fait niquer en beauté. Ta confiance fallait pas la donner. On est jugé, de toute façon on fait tous des erreurs. Pour passer, on est presque prêt à casser les stars. Blasé, avancer, économiser les phares. Je vise pas la tête ni les jambes, je préfère viser les gars. On est jugé, de toute façon on fait tous des erreurs. Pour passer, on est presque prêt à casser les stars. Blasé, avancer, économiser les phares. On se remet tous en question quand on fait des erreurs. Bizarre. T'assumes pas mais t'as su le faire. Tu te dis à quand viendra la chute pour ceux qu'on suster. Faire la part des choses, valider les notes à part les fausses. Vaut mieux être que savoir et se faire avoir par les doses. Les choses sont demandées, penser sans flancher. Pour manger, on est prêt à rentrer sans clencher. Si ça sent le danger pour le bétail, vu que ça fait plus de sous-heures du détail. Ça vend la sanger, hein, ça pense à se ranger. Ça fume, ça picole et ça se dit santé. Depuis que c'est repris, obligé d'inventer. Ton équipe se replie, non j'arrive en indé. Tellement t'es moche, hein, t'arrives en vitre teintée, hein. Et c'est comme ça que je la donne, c'est facile pour WAM. En une pige, te sors trois albums. Il pleut des cordes, on reste à la sommet. Tu t'es fait niquer en beauté, ta confiance fallait pas la donner. On est jugé, de toute façon on fait tous des erreurs. Pour passer, on est presque prêt à casser les stars. Blasé, avancer, économiser les phares. Je vise pas la tête ni les jambes, je préfère viser les gars. On est jugé, de toute façon on fait tous des erreurs. Pour passer, on est presque prêt à casser les stars. Blasé, avancer, économiser les phares. On se remet tous en question quand on fait des erreurs.